So, George and Hélène have arranged to meet at 8 o'clock tomorrow morning. And you can hear more about that in Unit 3. But now it's time to listen to all the dialogues from this unit again. And with all the French you've learned so far, you'll have no difficulty understanding exactly what's going on. À la réception. Bonsoir, madame. Monsieur? Bonsoir. Vous avez une chambre réservée pour Monsieur Saville, n'est-ce pas? Monsieur Saville. S-A-V-I-2-L-E. Ah oui, monsieur. Non, pardon. Ce n'est pas Monsieur Saville. C'est Monsieur Wickham. Wickham? That's me. Wickham. Un instant. Et c'est... W-I... votre nom. How do you... Spell it. Oui. W-I-C... K. W-I-C-K. W-I-C-K. Oui. H-A-M. H-A-M. H-A-M. Wickham. C'est ça. Et votre prénom? What? Your first name. Oh, George. G-E-O-R. Oh non, monsieur George, ce n'est pas difficile. Nous avons le nom Georges en France. G-E-O-R-G-E-S. Voilà. No. Non? Ce n'est pas Georges? Sorry, there's no S in George, not in English. No? Ok. Madame, en anglais, c'est seulement G-E-O-R-G-E. Il n'y a pas de S. Pas de S? D'accord. Et voilà, George Wickham. Oh non. Comment? Pardon, monsieur, je n'ai pas de réservation pour vous. Oh non, non, il n'y a pas de réservation pour monsieur Wickham. Non? Non, you do not have a reservation, do you? Me? No, the reservation is for Mr. Saville. Monsieur Saville? Je ne comprends pas. Il y a une réservation pour monsieur Saville, n'est-ce pas? Mais oui. Mais monsieur Saville est malade. Il est malade? Et il ne vient pas. Non? Non. What? Monsieur Saville is not coming. No, that's why I'm here. Instead. Ah, maintenant je comprends. Je crois. Votre passeport, s'il vous plaît. Your passport. Oh, yes, of course. Here. Merci. Vous voulez la chambre de Monsieur Saville, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Pas Saville, mais Wickham. Oh, il y a un problème? La chambre de Monsieur Saville, c'est une chambre simple. Une chambre pour une personne. Oui. Mais vous êtes deux personnes. Deux? Oh non! What's the problem? Non, non, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous voulez une chambre pour deux personnes. Non, madame. Une chambre pour une personne, c'est pour monsieur. Oui. Oh, pardon. Avec salle de bain ou avec douche? Do you want a bath or a shower? Oh, shower's fine. Une chambre pour une personne avec douche. D'accord. Et c'est comme monsieur Saville, oui? Comment? Pour quatre nuits. Oui, je crois. Monsieur Wickham, vous êtes en France... pardon. You are staying for how long? Till Friday. Four nights. Oui, madame. Quatre nuits. Quatre nuits, très bien. Une chambre pour une personne avec douche pour quatre nuits. Alors, monsieur, signez ici, s'il vous plaît. Sign. Oui, monsieur. Right. Merci, monsieur. Voici votre passeport. Et voici la clé. La chambre, c'est le numéro 34. 34? D'accord. C'est au troisième étage. Room 34 on the third floor. Il y a un ascenseur. À droite, madame. The lift is to the right. Merci, madame. Madame, monsieur. Oh, monsieur Wickham, s'il vous plaît. Vous êtes de Snacktrack, oui? Snacktrack? Oui, il est de Snacktrack. Oh, yes, oui. Il y a un message pour vous. I'm sorry? There is a message for you. Oh, right. Voilà, monsieur. Thank you. Merci, madame. Yes, merci. Bonne nuit. Voici l'ascenseur. L'ascenseur. Lift. the lift. L'ascenseur, the lift. Un ascenseur, a lift.